Chapitre 17e. Il va se marier. Paul Marchmont se promenait toujours çà et là dans le salon, admirant ses tableaux et souriant lui-même au souvenir de la facilité avec laquelle il avait obtenu le consentement de George Weston, un arrangement australien. Car, dans ces moments de sobriété, le médecin était disposé à se soumettre à tout ce que lui imposaient son beau-frère et sa femme. Ce n'était que sous l'influence du rhum qu'il redonnait d'homme. Paul était encore à contempler ses peintures lorsqu'Olivia entra brusquement dans le salon. Mais Mrs. Marchmont et sa fille s'étaient retirées pour la nuit et l'artiste était seul, seul avec ses pensées qui étaient juste en ce moment d'une nature triomphante et gaie, car le mariage d'Edward et le départ de M. Weston lui plaisaient également. Il tremblait un peu à la brusque entrée d'Olivia, car il n'était pas dans les habitudes de cette dernière de l'importuner, lui ou toute autre personne de sa famille. Au contraire, elle s'était obstinée à s'enfermer dans sa chambre et à fuir toute créature vivante, à l'exception de Barbara Simons. Paul se retourna et lui fit face très résolument avec ce sourire qui était presque stéréotypé sur ses lèvres fines et pâles. Son apparition soudaine avait un peu blanchi la figure de l'artiste, mais ce fut là le seul signe d'agitation visible en lui. « Ma chère Mrs. Marchmont, vous me surprenez réellement. C'est chose si extraordinaire de vous voir ici et surtout à part ailleurs. » Elle n'eut pas l'air d'avoir entendu sa voix. Elle s'approcha de lui avec raideur, ses bras maigres flottant le long de son corps et ses yeux hagards fixés sur ceux de l'artiste. « Est-ce vrai ? » demanda-t-elle. Il eut un léger soubresaut en dépit de lui-même, car il comprit aussitôt ce qu'elle voulait dire. Quelqu'un, peu importe qui, lui avait annoncé le prochain mariage. « Qu'est-ce qui est vrai, ma chère Mrs. John ? » dit-il avec indifférence. « Est-ce vrai ce que George Weston m'a dit ? » s'écria-t-elle en posant sa main amaigrie sur l'épaule de Paul Marchmont. Ses doigts décharnés serrèrent involontairement le collet de son habit. Ses lèvres se contractèrent en un sourire hideux, et une flamme soudaine pétilla dans ses yeux. Une étrange sensation se fit sentir au bout de ses doigts serrés et parcourut toutes les veines de ce corps de femme. Une sensation ressemblante à l'horrible tressaillement qui fait vibrer les nerfs d'un fou quand la vue de la terreur sur la figure de sa victime éveille en lui la première idée du meurtre. La figure de Paul pâlit en sentant le bout de ses doigts maigres serrant son cou. Il eut peur d'Olivia. « Ma chère Mrs. John, que voulez-vous de moi ? » dit-il à la hâte. « Je vous en prie, pas de violence. »« Je ne suis pas violente. » Elle laissa retomber sa main. C'était vrai, elle n'était pas violente. Sa voix était faible, sa main tomba inerte le long de son corps. Mais Paul eut peur quand même, car il vit que si elle n'était pas violente, elle était quelque chose de pire encore. Elle était dangereuse. « George Weston m'a-t-il raconté la vérité tantôt ? » dit-elle. Paul mordit avec fureur sa lèvre inférieure. George Weston l'avait donc joué, après tout, et avait communiqué avec cette femme. Mais qu'en résultera-t-il ? Il n'était guère probable qu'elle s'inquiétât de l'affaire du mariage d'Edward Arundel. Le temps d'une folie semblable était passé pour elle. Elle n'aurait pu intervenir dans la question. Elle ne le pouvait pas. « Est-ce vrai ? » dit-elle. « Est-ce vrai ? Est-il vrai qu'Edward Arundel se marie demain ?» Elle attendit, fixant sur la figure de Paul ses yeux tout grands ouverts. « Ma chère Mrs. John, vous m'avez tellement surpris que vous n'avez pas de réponse menteuse toute prête à me faire, » dit Olivia en l'interrompant. « Ne vous donnez pas la peine d'en inventer une. Je vois que George Weston m'a dit la vérité. Il y avait de la franchise dans ses paroles. Dans les vôtres, il n'y a que fausseté. » Paul la regardait, mais ne l'écoutait pas. Qu'elle l'insulta et l'accabla de reproches autant que cela lui plairait, il avait ainsi le temps de réfléchir et d'adopter un système d'action. Et peut-être, ces paroles amères diminueraient-elles le feu qui brûlait en elle et la rendraient une fois encore malléable entre ses mains habiles. Il eut le loisir de songer à cela et de se tracer une ligne de conduite, tandis qu'Olivia lui parlait. Il était inutile de nier le mariage. Elle l'avait appris par George Weston, et elle pourrait l'apprendre de la première personne venue qu'elle interrogerait. Il était inutile d'essayer de cacher le fait. « Oui, Mrs. John, c'est bien vrai. Votre cousin, M. Arundel, va épouser Belinda Lawford. Et c'est très heureux pour nous, croyez-moi, car ce mariage mettra fin à toutes les questions, à tous les soupçons et à toute surveillance, et nous garantira de tout danger. » Olivia le regardait, la poitrine haletante et la respiration de plus en plus pénible à chaque nouvelle parole. « Vous avez donc l'intention de laisser cela s'accomplir, » dit-elle, quand elle eut fini. « Cela quoi ? Le mariage ? Vous le laisserez avoir lieu ? Mais très certainement, pourquoi l'empêcherais-je ? Pourquoi l'empêcheriez-vous ? » s'écria-t-elle avec fureur. Puis, d'une voix altérée, d'un ton d'angoisse qui ressemblait à un gémissement de désespoir, elle ajouta « Oh mon Dieu, quelle dupe, quel misérable instrument j'ai été entre les mains de cet homme! Pourquoi m'as-tu abandonné ainsi, quand je me suis détourné de toi et que j'ai fait d'Edward Arundel l'idole de mon cœur dépravé ?» Paul s'assit sur la chaise la plus rapprochée avec un faible soupir de soulagement. « Elle va s'épuiser, se dit-il, puis je ferai d'elle ce que je voudrais. » Mais Olivia se tourna vers lui tandis qu'il réfléchissait de la sorte. « Croyez-vous que je laisserai s'accomplir ce mariage ? » demanda-t-elle. « Je ne crois pas que vous soyez assez folle pour l'empêcher. Ce petit mystère que nous avons arrangé à nous deux n'est pas tout à fait un jeu d'enfant, Mrs. Marchmont. Nous ne pouvons nous trahir ni l'un ni l'autre. Qu'Edward Arundel se marie, travaille pour sa femme et soit heureux. Rien de plus avantageux pour nous que ce mariage. À vrai dire, nous avons tout lieu de remercier la Providence pour la tournure qu'ont prise les affaires. » Conclut M. Marchmont pieusement. « Ah, vraiment ! » dit Olivia. « Et Edward Arundel aura une autre femme. Il sera heureux avec une autre, et j'entendrai parler de leur bonheur, et je le verrai peut-être un jour assis à côté d'elle et lui souriant, comme je l'ai vu sourire à Mary Marchmont. Il sera heureux, et je serai informé de son bonheur. Une autre jeune fille, à figure d'enfant, se glorifiera de son amour à lui, et moi, je resterai tranquille, moi, je serai tranquille. Est-ce pour cela que je vous ai vendu mon âme, Paul Marchmont? Est-ce pour cela que j'ai participé à vos coupables secrets? Est-ce pour cela que j'ai entendu ces faibles gémissements retentir à mes oreilles pendant mon sommeil fiévreux, comme cela m'est arrivé chaque nuit depuis le jour où elle a quitté cette maison? Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit? Vous souvenez-vous de quelle manière vous m'avez tenté? Vous souvenez-vous de quelle façon vous avez tiré profit de ma souffrance et exploité les tortures de mon cœur jaloux? Il a dédaigné votre amour, disiez-vous. Consentiriez-vous à le voir heureux avec une autre femme? Ce fut là votre argument, Paul Marchmont. Vous fîtes alliance avec le mauvais esprit qui s'était emparé de moi, et à vous deux, vous fûtes plus forts que moi. J'étais destiné à être damné, et vous fûtes l'instrument choisi de ma damnation. Vous avez acheté mon âme, Paul Marchmont. Vous ne me volerez pas le prix auquel je vous l'ai vendu. Vous empêcherez ce mariage. Vous êtes folle, Mrs. John Marchmont, ou sinon vous ne proposeriez pas une pareille chose. Allez, dit-elle en lui montrant la porte, « allez vers Edward Arundel et faites quelque chose, n'importe quoi, pour empêcher ce mariage. Je ne ferai rien dans ce sens-là. » Il avait entendu dire qu'un fou devait toujours être soumis par une résolution indomptable, et il regarda Olivia croyant la soumettre par la fixité de son regard. Il aurait tout aussi bien fait d'essayer de rendre calme une mère en courroux. « Je ne suis pas un imbécile, mais c'est John Marchmont, et je ne ferai rien de pareil. » Il s'est élevé et se tenait à côté de la table éclairée par la lampe, maniant avec une certaine agitation les livres élégamment reliés, les couteaux à papier à manches montées en or, les journaux nouvellement coupés et les jolis joujoux fantastiques rassemblés par les femmes de la maison. Les figures des deux antagonistes étaient presque à hauteur, en face l'une de l'autre, avec la table pour toute séparation. « Alors moi, je l'empêcherai !» s'écria Olivia en se tournant vers la porte. Paul Marchmont vit la résolution écrite sur la figure de la veuve. Elle ferait ce dont elle le menaçait. Il courut à la porte et mit la main sur le bouton avant qu'elle pût l'atteindre. « Non, Mrs. John, » dit-il, se tenant debout à la porte, le dos tourné à Olivia et cherchant à pousser les verrous et à tourner la clé. Malgré lui, cette femme l'avait rendu un peu nerveux, et ce fut tout ce qu'il put faire que de saisir la clé. « Non, non, Mrs. John, vous ne quitterez pas cette maison ni cette chambre dans votre situation d'esprit actuelle. » « S'il vous plaît d'être violente et ingouvernable, nous vous donnerons tout le bénéfice de votre violence et vous aurez une sphère d'action préférable. Une chambre cadenassée conviendra mieux à votre humeur du moment, ma chère madame. Si vous nous faites la gracieuseté d'une pareille conduite, nous trouverons des gens plus aptes à vous dompter. » Il dit tout cela d'un ton narquois, où perçait un léger tremblement, tandis qu'il fermait la porte à clé et s'assurait qu'on ne pouvait l'ouvrir. Ensuite, il se retourna, prêt à soutenir la lutte, n'importe de quelle façon. Au moment même où il se retourna, un craquement se fit entendre tout à coup. C'était un bruit de verre brisé, et le vent froid de la nuit pénétra dans le salon. L'une des grandes fenêtres à la française était ouverte dans toute sa largeur, et Olivia Marchmont avait disparu. Il courut aussitôt sur la terrasse, mais il arriva trop tard, malgré sa promptitude, car il ne put la voir, ni à droite, ni à gauche, sur la longue plateforme en pierre. Il y avait trois escaliers différents, trois sentiers ouverts qui divergeaient à travers la vaste prairie devant Marchmont Towers. Comment pouvait-il savoir lequel de ces sentiers avait choisi Olivia? Il y avait le grand porche et toute espèce d'abou en pierre le long de la lugubre façade de la maison. elle avait pu se cacher dans quelque recoin. La nuit était tout à fait noire. Deux énormes lampes en bronze que Paul avait placées devant la porte d'entrée principale apparaissaient comme deux petits cercles lumineux dans l'obscurité. Il parcourut la terrasse, regardant dans chaque coin et recoin qui pouvait servir de cachette, mais il ne trouva pas Olivia. Elle avait quitté la maison avec l'intention bien arrêtée de faire quelque chose pour empêcher le mariage. Que ferait-elle? Quel plan adopterait cette femme désespérée dans sa fureur jalouse? Irait-elle tout droit vers Edward Arundel pour lui dire? Oui, c'était très probable. Car de quelle autre manière pouvait-elle espérer empêcher ce mariage? Paul resta tout à fait immobile sur la terrasse pendant quelques minutes. Il songeait. Il n'y avait pour lui qu'une chose à faire. Essayer de retrouver Olivia, c'était presque impossible. Il y avait une demi-douzaine d'issues menant hors du parc et une foule de sentiers différents dans le labyrinthe boisé sur le derrière des Towers. Cette femme avait pu prendre le premier venu d'entre eux. Perdre la nuit à sa recherche serait plus qu'inutile. Il ne restait qu'un seul plan praticable. Il fallait contrecarrer les mouvements de cette créature désespérée. Il revint au salon, il ferma la porte, puis il sonna. Il ne se trouvait plus maintenant aux Towers un grand nombre de domestiques qui avaient servi John Marchmont. Celui qui parut au coup de sonnette était un homme que Paul avait amené de Londres. « Faites seller le cheval bébrun, Peterson, » dit M. Marchmont. « La veuve de mon pauvre cousin a quitté la maison et je vais à sa recherche. Elle m'a beaucoup alarmé par sa conduite de ce soir. Je vous dis ceci en confidence, mais vous pouvez le répéter à Mrs. Simons, qui en sait plus long que moi sur sa maîtresse. Veillez à ce qu'il n'ait pas de temps perdu pour sceller mon cheval. Je veux rattraper cette malheureuse femme, si je puis. Allez donner l'ordre, puis apportez-moi mon chapeau. » L'homme sortit pour obéir à son maître. Paul s'approcha de la cheminée et regarda la pendule. « Ils sont déjà couchés à la grange, » se dit-il en lui-même. « Ira-t-elle y frapper pour les éveiller? C'est elle qu'Edward y est. J'en doute. Et pourtant Weston peut le lui avoir dit. En tout cas, je puis y être avant elle. Il lui faudra du temps pour y arriver à pied. Je crois que j'ai bien fait de confier cette nouvelle à Peterson. Il faut que le bruit de sa folie circule partout. Je dois tenir tête à l'orage. Mais comment? Comment? Tant qu'elle était calme, je pouvais tout diriger. Mais avec elle contre moi, et George Weston, oh le gredin! Le misérable sans cœur! Après tout ce que j'ai fait pour lui et Lavinia. Mais à quoi peut s'attendre un homme quand il est obligé d'avoir confiance en un imbécile? Il alla à la fenêtre et regarda au dehors jusqu'à ce qu'il vit le groom s'approcher de la terrasse par l'allée carrossière avec un cheval qu'il menait par la bride. Ensuite, il prit le chapeau que son balai lui avait apporté, descendit l'escalier en courant et se mit en selle. « Tout va bien, Jeffreys, » dit-il. « Dites qu'on ne m'attende pas jusqu'à demain matin. Que Mrs. Simons veille pour attendre sa maîtresse. » Mais Mrs. John peut revenir à toute heure de la nuit. » Il s'éloigna au galop. À la loge, il s'arrêta pour demander si quelqu'un avait passé par là. « Non, » dit la femme. Elle n'avait ouvert les portes à personne. Paul n'avait pas compté sur une autre réponse. Il y avait un sentier qui menait à une petite barrière ouvrant sur la grande route. Et évidemment, Olivia avait suivi ce chemin qui était beaucoup plus court que la grande allée.